mosanto Akita kuna kusunga yo Okota katila voza ina zambe Bien, chapitre d'esprit Réponds en nous et autour de nous la gloire De notre Seigneur Jésus Voici y arriver le temps de la gloire Ce moment sublime Où le vouloir répondre nos cœurs Il a abandonné le cœur de Dieu Seul toi connais le chemin du véritable sanctuaire Seul toi connais le chemin véritable Qui nous mène au trône éternel de notre monde Le sang esprit de Dieu Alléluia Yaka mouli mon ensemble Kita mouli mon solo Alléluia Alléluia. Oh esprit de vie, esprit d'adoration. Kita mo lima nzambe. Naka mo lima solo. Naka. Tu es vivo sans sur la terre. Viens nous savons pas adorer comme il faut. Viens nous prêter les mots de Dieu. Pour l'adorer comme il attend que nous le fassions. Alléluia. Kita mo lima nzambe. Santo Deus